pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique des Saguenay de Chicoutimi. Patinage de vitesse sur courte piste, c'est la deuxième tranche de la Coupe du monde de patinage de vitesse en fin de semaine. Ça se déroule du côté de la Nouvelle-Zélande et on va parler avec notre ami François-Olivier Robert. Salut François! Oui, salut, ils sont aux Pays-Bas. Pays-Bas, okay, je pensais que c'était à Nouvelle-Zélande. Non. Ok, je pensais qu'il était en Nouvelle-Zélande. Non, ça va, c'est juste un peu moins loin. C'est juste un peu moins loin, ouais. Écoute, hier, Marianne s'est distinguée. Elle avait parlé de ce matin parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, ils sont déjà en action actuellement. Mais aux 500 mètres, Marianne s'est drôlement bien repris hier. Première de sa vague, là. Oui, hier, Marianne, puis toute l'équipe, là, la façon que ça fonctionne, c'est comme la semaine passée, là, jeudi, vendredi, c'est les qualifications, donc hier, c'était 1500, 500, et aujourd'hui, c'est le 1000 et le relais. Il faut score de finale et de finale là, qui vont être samedi et dimanche. Puis hier et aujourd'hui, là, j'ai les résultats devant moi, hier et aujourd'hui, les Canadiens sont qualifiés pour toutes les rondes de finale, à l'exception de Charles Cournoyer au 500, qui est arrivé quatrième dans sa course, donc qui est éliminé pour cette course-là, mais tous les autres sont passés. Donc, Marianne, Val et compagnie, Val-Maltais, ont super bien fait, là, une très, très bonne journée hier au bureau, puis aujourd'hui, là, je regarde mes résultats en direct. Là, on est juste en attente du relais. Là. Donc, le relais, c'est la même chose chez les filles et chez les gars. Ils doivent se classer dans les deux premières équipes dans leur course pour accéder à la ronde suivante qui va être demain. Mais on peut dire que c'est vraiment un très bon début de week-end là, pour notre équipe. T'as pas parlé de Cassandra. C'est passé quoi avec Cassandra? Oui, Cassandra n'a pas fait pas les courses individuelles cette semaine. La semaine passée, elle en avait fait. Ben notamment parce que Marianne avait juste fait le 500. Là, en fin de semaine, Marianne fait le 500 et le 1000. Puis il y a Jamie McDonald qui en fait aussi, Kim Boutin, puis Valérie Maltais. Donc, Cassandra devait s'attendre à ça, hein, parce que aux sélections olympiques, ils vont avec l'ordre des sélections olympiques aussi, puis c'est les coachs qui décident. Donc, je pense pas que c'est une surprise dans son cas. Là, mais c'est ça, Cassandra fait pas les rondes individuelles. Elle va très possiblement faire le relais tantôt. OK. Ça dépend de quoi, hein, de voir que l'équipe canadienne, la semaine passée, a mal performé, puis cette semaine, ils reviennent pas mal à ce qui était. Est-ce que c'est une mauvaise fin de semaine au bureau, c'est tout? Ben, comme on disait la semaine passée, c'est parce que c'était pas loin. Hein. Tu sais, la semaine dernière, Kim qui a eu deux médailles, mais il y a Charles Cournoyer qui était à trois coups de patin d'avoir une médaille. Il est tombé à 10 mètres de la ligne. Il y a Sam Girard qui avait pas été super chanceux en demi-finale. Donc, il avait gagné ses finales B ensuite. Il y a beaucoup. Il y a Marianne. Donc, tu sais, le courte piste, c'est pas. Faut pas le voir comme de la chance parce que c'est pas de la chance, mais ça peut pas aller bien chaque fin de semaine. C'est un peu, il faut regarder l'ensemble de la saison. Il faut regarder, bon, ben après, sur un total de, je sais pas moi, 400-500 mètres, ils ont bien fait sur deux ou sur trois, parce qu'il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver. C'est ce qui rend le sport excitant. C'est une question, la tactique est très importante. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est très cruel quand on arrive aux Olympiques, parce qu'aux Olympiques, c'est justement juste une fois il y a juste une distance, il y a juste un 500, il y a juste un 1000, il y a juste un 1500, il y a juste un relais. Donc, puis là, on regarde ça, c'est aux 4 ans, puis ça fait que c'est tellement important, cette compétition-là. Mais le sport est cruel pour ça. T'sais, il faut le regarder souvent sur quelques compétitions pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Mais tu sais, on le voit aussi des fois. La semaine passée, les Coréens ont presque tout gagné. Donc ça, c'est pas de la chance non plus. Tu sais, les Coréens étaient vraiment, mais vraiment plus forts. Est-ce qu'une patinoire, une glace peut être plus à l'aise avant une autre? Est-ce que des patinoires peuvent être plus à l'aise sur une glace aussi? Ouais, je pense un peu. Ouais, hein? Parce que les patineurs, comme les patineurs québécois, canadiens, s'entraînent à l'aréna Maurice Richard, donc là, a sa glace spécifique. Puis les patineurs s'habituent avec ça, puis surtout ont des ajustements. Mais en même temps, c'est aussi des pros, ils sont habitués de se promener, ils ont une équipe derrière eux, ils sont habitués de s'ajuster. Tu sais, quand ils arrivent, ils sont arrivés lundi. Ils font pas du tourisme là, pendant une semaine. Là. Ils patinent pendant la semaine pour trouver les bons ajustements. Mais c'est sûr qu'il y a un petit avantage à ceux qui sont chez eux. Mais c'est pas majeur, disons. Là. C'est pas, ben, c'est pas une énorme différence. Je sais que l'altitude peut jouer là, beaucoup. Là. Ouais, l'altitude, ça se joue parce que plus qu'on est haut, donc exemple, là, si je pense à la compétition à Calgary, des patinoires qui sont en altitude, donc la densité de l'air est moins élevée. Donc, quand la densité de l'air est moins élevée, il y a moins de résistance. Donc, les patineurs vont plus vite. Donc, c'est ce qui fait que c'est des glaces de record du monde. Les patineurs vont là, puis ça va super vite. De un, ça va vite. De deux, il y a moins d'oxygène dans l'air. Donc, les patineurs ont un peu plus de difficultés dans les plus longues distances, plus de difficultés à récupérer. Mais ça, c'est une bonne différence. On le voit encore davantage en longue piste. Mais c'est vrai que ça peut faire une différence. Effectivement. Comment ils se comportent et ainsi de suite. Ben, François, on va se reparler mardi, parce que lundi c'est congé. Fait que mardi, on fait le bilan de tout ça. Puis il y a une grosse compétition en fait, ici même au Centre Georges Vézina. Oui, certain. On va en parler avec David Simard également mardi. Oui, j'allais dire ça. Là, nous, sur le site de la Fédération, le Facebook Fédération Patinage de Vitesse du Québec, on va diffuser la web diffusion de ce qui se passe au Centre Georges Vézina samedi et dimanche pour ceux qui peuvent pas venir sur place. C'est une bonne compétition. Là, c'est une compétition élite. Donc, le circuit élite, c'est le circuit le plus fort qu'on a au Québec puis au Canada. Donc, ceux qui sont pas en Coupe du Monde en ce moment, ceux qui sont pas blessés, vont être là en fin de semaine. Donc, c'est très fort. Venez voir, c'est un super spectacle. Ah oui. Puis, sinon, pour les autres, là, il y a aussi ce qu'on vient de parler, la Coupe du Monde, c'est diffusé aussi sur Radio-Canada Sport, là, donc la web diffusion comme la semaine passée. Donc, gros week-end pour ceux qui préfèrent rester dans leur salon. Là, on peut voir les deux web diffusions pour les courses de patinage de vitesse courte piste. Ben, François, on s'en reparle mardi. Excellent, bon week-end. Notre collaborateur de passage de vitesse sur Courte Piste, François-Olivier Roberge.